des baladeuses. Whenever we see a new sight or feel a new sensation, est-ce que vous aimez voyager? Oui, mais pas pour les mêmes raisons que les autres. Dans la grande bibliothèque du monde où nous évoluons aveuglément chaque jour, on trouve parfois d'étranges livres au papier diaphane et à l'écriture ensorceleuse. Laissez votre main errer sur vos étagères et si vous n'en avez pas, il y a plein de tutos très super. Tournez les pages, lisez et relisez, faites la poussière avec vos gants map à pailleter, c'est beau, c'est libre et c'est gratuit. Vous êtes avec les baladeuses le quatrième mercredi de chaque mois de 10h à 11h30 sur Radio Dio. Le thème de notre émission du jour, c'est la relecture. La relecture, c'est un peu comme quand on relit un livre, mais bien plus tard, depuis un nouvel endroit, une nouvelle vie parfois, un autre point de vue et du coup, un tout autre livre. Alors chez les baladeuses, on est créative, on va pas se contenter de faire du neuf avec de l'ancien. Rouge n'est pas le nouveau noir et bleu n'est pas le nouveau blanc. Vous avez la ref ? En cette période de bikini body, alias le corps de l'été que nous vendent les magazines harcelants, c'était ça la ref, je vous invite à faire une relecture de votre propre corps. C'est quoi lire son corps d'abord ? Et si on changeait de point de vue ? Regardons notre corps depuis notre petit poil d'aisselle indiscipliné qui appréhende de se faire raser dès les premiers rayons de soleil. Et si tu n'as pas de poil parce que maman t'a offert un épilateur pour tes 16 ans et que bon, bah pas trop le choix quoi, tu es violenté par les papiers glacés et les corps lisses, bah je t'invite à laisser une chance à ce petit poil d'aisselle qui a peut-être quelque chose à te raconter. Je suis partie loin ? Bon ben ça c'est fait. Cet été, réécoutez les podcasts des baladeuses, mais surtout, n'achetez pas la presse féminine, s'il vous plaît. Votre petit poil ne s'en remettrait pas. Mais c'est ça, en fait, l'esprit des baladeuses. Bah oui, c'est la cinquième émission, il y a donc un état d'esprit baladeuse. On se décentre, on invente, on rigole, on pousse des coups de gueule, et puis on se questionne. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Où allez-vous? Aujourd'hui, nous avons encore et toujours des questions plein la tête, mais cette fois-ci, nous avons des invités pour y répondre. En balade avec nous, Béatrice Moulin, comédienne et metteuse en scène du Trouble Théâtre et aussi notre voisine de Radio Dio à l'Estanco, Gilliane Ferreira, artiste plasticienne, Didier Ominal alias Monsieur Bidon, le retour, Benoît Cancouin, contrebassiste et créateur de son accompagné téléphoniquement par son acolyte Marc Perrin, auteur et éditeur aux éditions Sahu Sahu. Aujourd'hui, le studio grouille et ça s'active. Aujourd'hui donc, pas le temps pour la danse radio guidée, mais rassure-toi, je spoil, les baladeuses du mois de juin sera intégralement, oui, l'intégrale, consacrée à la danse. D'ici là, regarde tes poils pousser et fais-les danser. Nos invités, vous pouvez les croiser à Saint-Thé et comment ? Dans le studio de Radio Dio qui flaire bon le soleil et les ananas d'Aladirladada, c'est notre petit festival de Cannes à nous. Mais sans producteur véreux et violeur décomplexé, c'est notre 100% local et bio. Tout de suite dans les baladeuses, nos invités nous font le plaisir de relecture impromptue de nos thèmes impromptus, de nos thèmes passés. Absence, carnaval, grand ménage, silence. Camoulox, vous êtes avec les baladeuses sur Radio Dio. Mon micro n'était pas allumé. Ah bah alors. J'étais pas allumé. Et le mien, il l'est ? Oui. Ah. Je t'entends. Bonjour Juliette. Salut Sophia. Bonjour Julie, on t'a pas dit bonjour. Bonjour Sophia. J'ai mis l'aspirateur en fond. Oui, en fait, t'as bien fait. J'ai pas mis les musiques sur la clé. Bravo. Donc, faut que je. Voilà. Il va falloir que je fasse une petite manip voilà, pendant qu'on va faire la première interview. Du coup. Ben voilà. Oui, on va faire comme ça. On va faire comme ça, et voilà. Et comme Julie l'a si bien annoncé, on a Béatrice Moulin avec nous, du Trouble Théâtre. Et bonjour. Ouais, bonjour. Et on a imaginé, pour qu'elle se présente et qu'elle nous raconte un peu son activité, une série de questions. Mais déjà, on va démarrer comme ça, tout tranquillement. Béatrice, ça va ? Oui. Ça va, t'es pas trop tendu. C'est con, hein. Ça va. Oui, voilà. Je suis désolée, je vais bien. Oui, oh. C'est bien. Bah, c'est... Bon, ça fait plaisir quand même. Dans un monde où tout va mal, c'est plutôt cool. Donc, Béatrice, t'es comédienne. Oui, Oui, oui, il paraît. Et ça fait combien de temps alors du coup, Oh non, mais ça, c'est pas bien. Ça fait 30 ans. 30 ans. Eh oui, ma petite, hein, ça fait 30 ouais, ans. 30 ans que tu es comédienne ici à Saint-Étienne. Tu as toujours été sur Saint-Étienne. Tu as commencé à Saint-Étienne ou tu. D'où viens-tu? Je viens de la vallée de Londaine. J'ai grandi dans les bars HLM de Firminy. À Firminy-Vert, à côté du Corbusier, qui me faisait rêver. Enfin, de l'espace Le Corbusier, parce que Le Corbusier, je ne l'ai pas rencontré, je ne suis pas si vieille, mais. Voilà. Tu rêvais de monter sur les planches? Pas du tout. Pas du tout. Je suis tombée dedans complètement par accident. Je n'ai jamais rêvé de faire ce métier. Je viens d'un milieu où je n'avais pas du tout accès à ce genre de choses. Et c'est complètement par hasard que j'ai découvert ça. Voilà. Ça s'est passé comment? Tu passais, c'était allumé, tu t'es dit... Non, c'est une professeure de français qui nous a emmenés voir un spectacle. Et je l'ai pris en pleine figure, en fait. Voilà, d'où ma déformation. Voilà. D'accord. J'étais fascinée par le fait qu'il y avait des gens en direct, voilà, tous ensemble, au même instant, au même moment. Et des gens qui étaient là pour nous raconter des histoires, ça m'a fascinée. Je me suis dit, je veux faire ça quand je serai grande, si un jour je suis grande. Et du coup, est-ce que tu es... Et du coup, je n'ai pas grandi, mais je l'ai quand même fait. Voilà. Et tu nous racontes des histoires. Et du coup, je pense... Enfin, voilà, tu as dû faire plein de spectacles. Enfin, moi, j'en connais. Enfin, voilà, je vais les dire. Hein. On peut... Tu as commencé déjà avec une compagnie qui s'appelle Trouble Théâtre. C'est ça, il y a... Alors, avant, c'était Ad Libitum. Mm. Alors, j'ai commencé même avant. Par le théâtre amateur, en fait. Ouais. Voilà. J'ai fait beaucoup de théâtre amateur. J'étais partie dans des études d'histoire. J'ai été maman. Et puis, j'ai commencé après, un peu par hasard, le théâtre professionnel, quoi. Voilà. Et depuis, tu es toujours professionnelle. Eh ben oui. Mais tu n'es pas célèbre. Alors, tu es professionnelle à Saint-Étienne. Comment on fait pour être professionnelle à Saint-Étienne quand on fait du théâtre? Alors, on rame. On rame. On est monté dans le bateau, un peu par hasard. Et on nous a dit, alors, tu vois, là, il y a deux rames. Si tu pouvais ramer avec les copains, ce serait bien. Donc, j'ai ramé avec les copains. Alors, des fois, je rame à contre-courant, beaucoup, souvent, mais... Mais il y a les copains dans le bateau, c'est cool. Mais il y a les copains et les copines dans le bateau, ouais. C'est l'essentiel. Enfin, les partenaires. Et donc, à l'Estanco, ici, en bas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je dis en bas parce que c'est en bas de Radio Audio. Mmh. Donc, toi, tu es à l'Estanco. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Estanco? Alors, l'Estanco, c'est né dans la tête des anciens de Trouble Théâtre, qui étaient Emmanuel Broilier, Marc et Corinne Badiou, qui ont eu envie de pousser un peu la mairie à permettre à des compagnies indépendantes d'avoir un lieu décent pour travailler. Donc on a poussé un peu et on a ouvert d'abord un petit estanco à Bellevue, vers le lycée Honoré d'Urfé. Et puis on a deux compagnies amies qui ont eu des soucis de locaux. Donc ils sont venus travailler avec nous à Bellevue. Et en fait, comme c'était tout petit et qu'on était nombreux, on s'est posé la question de trouver un local plus grand. Et on a trouvé le ciné Beaulieu. Voilà, l'ancien cinéma. Voilà, qui est un ancien cinéma, hein, qui est une très belle petite salle d'ailleurs. Voilà, donc on a fait des travaux. C'est donc un lieu mutualisé. On était trois compagnies mutualisées, et puis on a eu la chance d'accueillir deux autres compagnies. Alors, un collectif, plus qu'une compagnie, qui est le collectif du Cri de la Lune, qui est géré par des jeunes extraordinaires. Voilà, c'est que du bonheur, tous ces gens. Et par une autre compagnie qui s'appelle les Tout un Truc, qui eux sont plutôt dans la discipline du clown. Voilà, et des arts de la rue. Voilà, et qui sont toutes aussi super. Oui, voilà. Bien évidemment. Alors c'est moi, maintenant. Moi j'ai un peu de mal avec Ravière parce qu'il est espagnol et puis il est grand. Oui, il est trop grand. Mais il est trop grand. Ouais, ouais, c'est voilà, vrai. Mais bon, on se sent tout le temps petit à côté de lui, c'est insupportable. C'est... du coup, on va te passer à la question. Alors moi, je propose que ça soit une main innocente. Alors attends, il y a Juliette. Juliette, vas-y, où tu voulais dire quelque chose. Ah, on attend Gillian qui va arriver d'un moment à l'autre. Ah. Et apparemment, tu as quelques petites manipulations à faire. Donc oui. Je proposais qu'on échange nos sièges, peut-être. D'accord, ok. Tu ailles faire ce que tu dois faire. D'accord, ok. Allez, ça marche. Et pendant ce temps-là, Monsieur Bidon tire trois questions. Ouh là là. Il faut que je les lise. Eh ben voilà, tu vas travailler. Alors, tu vas lire les questions. Comme ça, donc ça te permet de réfléchir à la première question. La première question, c'est donc, penses-tu qu'il y ait quelque chose dans ton œuvre dont personne encore n'a détecté la présence. La présence. Ah. Si oui, pourquoi? Donc voilà. Saperlis, grognonieux, popette. Dans mon œuvre. Dans ton œuvre. Juste, on est très modeste à Radio Dio, hein, nous ici, tu sais. Sur tes 30 ans de carrière. Alors perso, là, vous me parlez chinois parce que mon œuvre, je sais pas quoi vous dire. Dans ton travail, est-ce qu'il y a quelque chose dont personne n'a vraiment trop détecté la présence ou quelque chose d'un peu discret? Qui est là et non. Ou peut-être quelque chose qui est là, qui travaille, mais qui n'est pas encore à l'avant-scène, quoi. Ben non, moi ça va bien. Je vous l'ai dit, je suis très embêtée, ça va bien. Il faudrait vraiment qu'on invite d'autres invités qui sont déprimés, là, ça va pas du tout. Non, je... J'ai fait le parcours comme j'avais envie de le faire. Oui, ce qui manque, j'en sais rien, c'est des subventions, de la considération pour les compagnies indépendantes, des locaux de travail décents. Voilà, c'est ça qui est passé sous silence. Oui, l'absence de subventions, oui, d'aide. Grosse absence. Hein. Grosse absence. Ouais, grosse absence, ouais. Et là, c'était déjà pas mal absent, mais au vu des diminutions, je ne sais pas où on va passer. Mais... Ouais. On disparaît, c'est la disparition, voilà. Après. Ouais. Ouais. Voilà. Deuxième question. Alors, deuxième question, c'est aimez-vous les champignons comme John Cage? Je ne sais pas ce que alors, c'est. Oui, c'était notre invité de notre émission sur le silence. John Cage, musicien au Black Mountain College, collaborateur de Merce Cunningham, qui a écrit des pièces où il laissait entendre le silence. Et c'était un passionné de champignons, voilà. D'accord. Alors, je n'aime pas les champignons. Ah. Voilà, vous voyez, il y a quelque... Alors voilà, ça ne va pas du tout, j'ai quelque chose à vous dire. Voilà. J'ai un problème, je n'aime pas les champignons. Et pourquoi donc? J'ai peur. Ah oui, oui. Ça me fait peur. Je les aime si au pétrole, c'est-à-dire quand je les achète dans une barquette en plastique. Ah ouais, voilà. Ok. Les ramasser et... Ou qu'il y ait des gens qui les aient ramassés, non, je ne les mange pas, je n'aime pas. J'ai peur. Voilà. Et la troisième question, c'est le grand ménage. Vous pouvez récurer une vieille notion patriarcat-capitaliste, c'est laquelle qu'on passe à l'eau de Javel. Une vieille notion que tu aurais envie de récurer. De... Fort, à l'eau de Javel quand même. Waouh. Non mais vous êtes trop intelligent pour moi. C'est parce qu'on écrit. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a un décalage. On écrit la nuit et du coup, le matin, on se dit bon, tiens. J'ai même pas une notion patriarcale ou capitaliste. Ou pas, mais comme il y en a beaucoup qu'on pourrait récurer qui appartiennent à ce registre-là, mais peut-être c'est une autre notion. Peut-être c'est des choses très. Des choses, tu vois, du quotidien, des attitudes que tu aimerais récurer très fort à l'eau de Javel. Pour les faire disparaître. Je suis quelqu'un de très soupolet, donc je m'agace très très vite. Donc ça, je voudrais bien le récurer, parce que j'imagine à quel point ça doit être pénible pour mon entourage. je suis très vite agacée par les gens qui aiment le pouvoir. Ah, bon, ça fait une bonne grosse notion à récurer. Hein. Il faudra beaucoup de javel, hein, je pense. Voilà. Tous les gens qui s'accrochent à leur pouvoir, qu'ils soient petits ou moyens ou grands, ça m'agace très très vite. Très bien. Voilà. Eh bien, nous allons revêtir nos plus beaux tabliers, nos combinaisons et nos gants MAPPA à paillettes pour aller récurer le pouvoir. Est-ce que Béatrice, tu veux conclure par un petit mot ? Non. Il est petit, celui-ci. Il est très petit, c'était très joli. Vous êtes toujours sur Radio Dio avec les baladeuses. On va enchaîner la suite de l'émission. Merci beaucoup, Béatrice. À tout à l'heure. Alors, attends, Béatrice, c'est pas tout à fait fini. On n'a pas fini de te torturer. Parce qu'on a trois titres à te proposer, trois reprises. Donc, on a une reprise d'une chanson de NTM, hein, Ma Benz. Tout à fait. Ouais. Joe Star, voilà. Benz Benz. Par les Brigitte. Là, une reprise de Dalida, il venait d'avoir 18 ans, par les L. Je sais pas si tu te souviens des L, les L, ce groupe. Voilà. Et une reprise d'une... Alors, une reprise qui n'est pas tout à fait une reprise. Parce qu'il s'agit en fait d'une... Alors, je t'explique, c'est une reprise d'une chanson de Leonard Cohen qui s'appelle « Take This Waltz ». Mais le texte, en fait, est de... Garcia Lorca. Pas de Garcia, je crois. C'est un poème de Garcia Lorca qui l'a traduit en anglais. Voilà, espagnol. Voilà, et c'est une reprise de Sylvia Pérez Cruz et de Pajaro. Qu'est-ce que tu choisirais? La troisième. La troisième. Donc on va écouter la reprise de Leonard Cohen. Voilà, qui n'est pas une reprise. Enfin, c'est-à-dire que Cohen a traduit en anglais le texte espagnol original. Et ensuite, il l'a mis en musique. Et donc la reprise qu'on va entendre, c'est la même mise en musique, mais avec le texte. C'est la relecture de la relecture, espagnol. Quoi. Voilà. C'est compliqué, mais c'est pas si simple. Enfin, c'est pas... I ayer, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de un grial, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro, oscuro, oscuro de tu frente. Este vals y este vals y este vals de cintura quebrada y este vals y este vals y este vals y este vals de sí. Tenga cabeza de río, mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca y entre tus piernas mi alma en fotografías y azucenas y en las ondas oscuras de tu andar y el amor mío, amor mío, amor mío, dejar las tintas del vacío, amor mío, y amor mío, y amor mío, dejar violín y sepulcro. Oh, t'as entendu, Juliette. Oh, pardon. Je me suis un peu accroché les cheveux à mon casque. Bon, c'était très bien, là, cette chanteuse flamenca. Oui. Je sais pas comment on peut dire. C'est Sylvia Pérez Cruz. Ouais. Et en fait, le titre original, c'est Pequeño Vals Vienes. Voilà, qui est un poème de... Federico García Lorca. C'est ça, vous avez vérifié l'info, parce que moi, j'ai dit ça au début, mais en fait, je ne suis pas... On vérifiera, on vérifiera encore. Alors, ça tombe bien, parce qu'on a eu Gilliane qui est arrivée sur ces entrefaites de musique lancée. Bah oui. Et Gilliane Ferrerac avec nous, du coup, sur les baladeuses, radioaudio.org. Bonjour, Gilliane. Bonjour. Voilà, alors, Gilliane... Tu es plasticienne, peintre, sculpteuse, oui. Sculptrice. Non, je ne sculpte pas, plasticienne, oui. Enfin, j'utilise plusieurs médiums, mais pas le volume. Et, alors, plusieurs médiums, ça veut dire tu fais quoi? pas mal les techniques d'impression, donc de gravure jusqu'à juste l'empreinte, relevé d'empreinte. Relever l'empreinte, je veux dire comme à la police, tu mets les pouces. Ouais, sur... t'as vu un peu. Ouais. Non, mais quand même, c'est horrible comme comparaison. Hein. Ouais, non, mais tu dis je relève des empreintes. C'est... Oui, oui, bah oui. Parce que tu enquêtes. Ouais, voilà, je relève les traces. En fait, on laisse des traces un peu partout, mais on s'en rend pas compte. Et en fait, quand tu relèves une empreinte, t'as les traces du vécu de ce que t'as touché, l'objet, les intempéries, tout ce qui est passé par là, les animaux. Et ça te donne une autre image de l'objet. Ça te donne à voir une autre image de l'objet que celui que tu vois avec tes yeux. Et concrètement, du coup, ça veut dire que tu appliques quelque chose sur cet objet et que tu presses. Ou bien par frottage. Ah, tu sais, oui. Tu mets le papier avec un crayon, tu frottes. Mais je mélange tout, en fait. Je fais aussi des gravures sur bois, mais je les utilise comme tampons, et je mélange tout ça sur le papier. Donc ça fait un peu une cuisine. Tu vois, c'est ni peintre, ni... C'est Juliane, quoi. Il faut que tu inventes ton terme à toi, là. Ouais, voilà. Spécialisée dans les empreintes. Le gilianisme. L'emprunteuse. Attends, dis-nous, t'étais pas mis. Voilà, voilà. Je veux dire, oui, l'emprunteuse, peut-être. Non. Maintenant, bah parce qu'on va croire que j'emprunte des choses. Ce qui n'est pas le cas. Et puis après, on va te demander de les rendre. C'est un concept, après. Ouais, c'est ça. Après, tu les donnes à tous. Enfin, tu empruntes, tu reprends, tu redonnes. Voilà, tu peux inventer un petit concept. Là, genre. C'est pas mal, emprunteuse. Mais c'est autre chose, là. C'est pas mal. Ouais. C'est autre chose. Où est-ce qu'on peut te voir ton travail à Saint-Étienne? Où est-ce qu'on peut te croiser, te rencontrer? Alors, en ce moment, à la galerie Au Secours, la petite galerie, la grande galerie, plutôt, qui a ouvert dans l'ancien Secours Populaire, entre la place Jacquard et Carnot. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, on a des Stéphanois qui nous écoutent. C'est à côté de la rue Étienne Boisson. Ça, j'ai bien retenu le nom de la rue Étienne Boisson. C'est à côté de la cartonnerie, l'adresse exacte. Ouais, voilà. Et c'est pas loin de la menuiserie aussi, je crois. Oui, c'est à côté, galerie, c'est la même rue. Ah oui, d'accord. C'est un peu plus loin. Donc, c'est des artistes qui ont ouvert, qui ont créé une association et qui ont ouvert cette galerie. Pour les artistes stéphanois et d'ailleurs. Voilà. Et du coup, ça fait combien d'artistes à peu près? Tu as une idée ou... En ce moment, qui expose? Ouais, en ce moment. C'est 5 ans? Une dizaine. Ah non, une dizaine, d'accord. Je trouve qu'il aurait pu plus charger, ça aurait été plus drôle. Encore. Mais là. D'accord, donc on peut voir ton travail, certaines pièces que tu as, plus celles de au moins 10 autres artistes, quoi. En gros. Oui, et ça ouvre surtout le week-end. En général, alors c'est très aléatoire. C'est une galerie un peu anarchiste, qui aime bien faire autogérée. c'est ça, c'est complètement autogérée. C'est-à-dire que l'autogestion avec les artistes, c'est quand ils arrivent à se lever et être à l'heure pour ouvrir, quoi, en gros. Bah, c'est même pas vrai, il y a toujours des horaires et c'est 14-18. Tu vois, ils font exprès en plus. 14-18, oui, c'est quand même une date, enfin, des horaires faciles à retenir. C'est ça. Oui, 14-18, mais ça va, quoi. C'est l'après-midi, c'est le week-end, on peut y passer le dimanche en se baladant. Le quartier est vachement agréable, en plus. Moi, j'y suis passé il y a... Au moment de l'inauguration, en fait. Oui, puis, une semaine ou deux après. Ouais. J'y suis repassé un week-end, comme ça, un dimanche après-midi, il faisait beau. La galerie est ouverte, ce qui permettait... c'était bien, j'étais... Il y a 2-3 personnes qui sont passées, des familles qui rentrent et puis qui regardent un peu ces œuvres qui sont quand même, on dit singulières parce que c'est ça le truc, le terme, les œuvres singulières. Il y a de tout. Tu as des artistes singuliers ou des artistes, je sais pas quoi, tout court. des artistes tout court en fait. Ouais. Il y a vraiment de très très belles choses d'artistes Stéphane Noir. Voilà. Alors on va passer à notre petit jeu des questions, parce qu'on est un peu sec au niveau des questions. Alors, on te raconte, c'est pas du tout des pièges. C'est une petite question que tu prends au hasard et qui permet de relire les thèmes qu'on a déjà traités, entre guillemets, parce qu'on n'a pas traité des thèmes, mais du coup, on a choisi un certain nombre d'angles, genre l'absence, le silence, carnaval et ménage, pour parler de la vie. Donc, pour toi, ça va être l'occasion de parler peut-être de ton travail. Alors, plutôt balai ou aspirateur? Oula. C'est métaphysique, ça. Hein. Métaphysique. Hein. Alors, je dois répondre par rapport à l'atelier ou à la création ou bien chez moi, tant que j'ai pas d'aspirateur. Et voilà, et ça peut être métaphorique. Hein. Non, mais je rigole. Oui, bien sûr. Est-ce que tu préfères mettre les choses sous le tapis ou toutes les aspirer dans un coin et plus jamais les voir? Tu vois ça comme ça? Moi, ça peut être une piste. Après, c'est la tienne que tu prends. Après, quoi qu'il en soit, tu fais le ménage. Voilà. Donc, mais non, ça va, j'ai pas besoin de faire le ménage en ce moment. Ni dans la création, ni dans ma vie personnelle. Donc, plutôt balai que dire. Moi, j'ai un problème avec l'aspirateur. Enfin, avec le son de l'aspirateur, je sais pas. Je ne sais pas si c'est en tant que musicien, mais en tout cas, c'est une fréquence, je sais pas, qui est lancinante et qui est toujours la même. Et, et ça me perturbe. Il doit y avoir un traumatisme de l'enfance. Ou je sais pas. Mais non, mais moi, c'est pareil. J'ai pas envie d'utiliser un outil électrique, en fait, pour enlever les poussières. Ouais. Et ça m'est égal qu'il reste des poussières quand je passe le balai, parce que c'est le cas. Mais... bon, bref, là, on est... ouais. Deuxième question. Voilà, celle-là, elle est grande. Alors, crois-tu qu'il y ait quelque chose que tu n'aies jamais remarqué dans ton œuvre, mais dont la présence saute aux yeux de tous? Si oui, quoi? Mais en fait, c'est pas systématique, ça dépend. Mais oui, c'est déjà arrivé que je n'ai pas remarqué quelque chose dans mon travail et que... alors, de là à sauter aux yeux, peut-être pas, mais que des personnes soient venues me dire en me disant... ah non, mais alors c'est ça ce que tu as voulu dire? Et là, tu es très embêté parce que tu dis non, j'avais pas vu ça comme ça du tout. Mais c'est hyper intéressant. Mais oui, ça arrive. Hein. Pas souvent, hein, mais ça arrive. Mais c'est bien. Tu as une anecdote à ce mais sujet? Mais non, je réfléchis, ouais. Mais c'est pas arrivé récemment. Après, c'est toujours hyper intéressant d'entendre ce que les gens ont à dire ou ce qu'ils voient dans ton travail. Ils le disent pas souvent, je trouve. Enfin, en tout cas, quand j'expose au vernissage, je trouve les gens, ils viennent pas vers mais toi pour... Si, mais ils viennent te dire « Ah, mais j'aime bien celui-là, ouais. Ah, mais j'aime bien... » Ça rentre pas vraiment dans le détail. Et, oui, et l'autre problème, c'est que j'ai tendance à bien... je sais très bien faire parler les autres. Donc j'ai tendance à poser des questions, du coup, les gens se mettent à me raconter leur vie. Et du coup, si merde, c'est mon vernissage, c'est moi qui suis censée parler, il y a un petit problème. Et ça, c'est un gros problème qu'il faut que je règle, c'est arrêter de poser des questions au vernissage aux gens qui viennent me voir. Bah, en même temps, ouais, enfin, c'est une forme de enfin, c'est plutôt humble comme démarche, je trouve, personnellement. Du coup, d'être plus, enfin, il y a après, oui, enfin, je sais pas, mais non, mais en fait, je pense que c'est dû au fait que je suis hyper timide, enfin, j'ai du mal à mettre en avant, écrire par exemple, ou envoyer un texte sur mon travail, il n'y a pas de problème. Mais devant une assistance, alors en début de vernissage, pas toujours, mais souvent tu prends la parole et tu dis quelque chose. Alors c'était vraiment terrible pour moi, mais j'ai pris ça, j'ai pris cette situation en me disant, en fait c'est le moment où en tant qu'artiste tu peux dire quelque chose ouvertement à tout le monde et en fait on te demande jamais trop. Ouais, c'est sûr. Ou alors on vient vers toi, mais justement quand c'est direct comme ça, j'arrive pas à trouver mes mots. Et du coup en préparant ce que t'avais à dire, qui est pas forcément lié directement à ce que tu montres. C'est déjà ça, en fait. Du coup, je me dis, bon, bah, au moins là, j'ai réussi à leur expliquer mon travail et à dire ce que j'avais à dire. Mais après, quand ils viennent me voir, en général, j'arrive pas. Je pense que c'est pour ça que j'évacue en posant des questions. Ça alors, et donc, vous travaillez aussi... vous faites aussi la peinture? Mais quel genre de peinture? Puis alors là, ils sortent leur smartphone, ils commencent à te montrer, et ça dure 10 minutes, et t'es là, genre, non, mais en fait, j'ai pas... Mais pourquoi j'ai posé la question? Ah, mais c'est horrible ce qu'elle me montre, mon Dieu. c'est peut-être aussi parce qu'au moment où tu exposes, ton temps d'expression est terminé. Mais normalement, non. Normalement, non, t'es censé... Ça va un peu de soi, t'es censé jouer l'artiste en fait, t'es censé... On m'a déjà dit que j'étais pas assez présente lors de mes vernissages, on me voyait pas en fait. Comme sur scène si tu veux, t'es censé... Oui mais t'es censé... C'est une attente qu'ont les gens quand ils viennent à un vernissage si tu veux, s'ils viennent voir ton travail, ils viennent aussi voir tout le monde de la culture, c'est un peu le lieu de rendez-vous, mais ils viennent aussi voir l'artiste, qui il est, comment il est, c'est un peu comme une de ses œuvres, l'artiste c'est un peu un... Et toi, moi, je supporte pas ce rôle-là. Enfin, je l'accepte pas. Oui. Donc, après, quand j'étais jeune, je partais carrément. J'étais pas capable de rester. Alors, quand j'étais jeune, j'ai pas fait d'exposition personnelle, donc c'était plus facile. Mais je commençais le vernissage, je me cassais, je disais à personne, j'étais incapable de rester même. C'était comme si on me mettait à nu, qu'on m'avait accroché sur les murs. J'étais, là, c'est pas possible. Oui, mais qui est somme toute logique, puisqu'il. Enfin, j'ai l'impression que. Pour des artistes plasticiens ou des musiciens, le temps de l'expression de l'artiste, il est au moment où il construit son œuvre. Après, c'est la parole du public, au moment où ça devient public. Mais j'imagine... Oui, mais donc, c'est parce qu'on attend toi. Béatrice, toi ça donc, on n'est rien à dire à ce moment-là, c'est logique. Puisqu'on finalement, l'a déjà tu joues une pièce de théâtre et puis après, en fait, le temps de rencontre avec le public... moi, je sais que quand je fais un concert, je suis assez mal à l'aise sur la période d'après où en fait il faudrait jouer en fait un rôle d'artiste oui, machin. Tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai fait mon truc il y a un côté un peu t'es vidé pas en fonctionnaire plus. Enfin t'es épuisé. Mais voilà, j'ai présenté voilà mon art ou machin, et voilà, et après je sors de cette sorte de statut d'artiste ou bah, voilà, j'ai envie d'être donc c'est pour ça, avec les gens, en disant bon bah alors toi aussi tu fais de la musique, toi aussi tu fais de la peinture ou voilà. Parce que bah, je sais pas si c'est de la timidité ou enfin en tout cas une sorte de malaise d'être pris pour enfin un peu une sorte d'être supérieur ou un truc un peu artiste machin, enfin voilà. Oui, puis le fait, alors moi je suis assez anticonformiste, le fait qu'on attende ça de moi, j'ai pas du tout envie de jouer ce rôle là du coup. Ce n'est pas naturel, et en plus je ouais, ouais. Une petite dernière pour la rouge. Ouais, okay. Alors je vais prendre la très grande, tiens. Alors, qu'est-ce qui fait office de carnaval dans votre travail? C'est parce que ouais, le carnaval, la fête. Ouais, bah et puis beaucoup, c'est bariolé, c'est bah la multiplicité dans ce cas-là, des techniques empilées les unes sur les autres, parce que c'est vrai que alors j'aime pas trop empiler, superposer des matières les unes sur les autres, mais parfois quand tu n'y arrives pas, tu n'en finis pas. Et ça termine souvent la poupée, mais pas toujours. Et du coup, ça, oui, c'est un peu le carnaval, la descente. Mais non, oui, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, mais c'est très bien ce que tu dis. Ouais, ouais, ouais, ok. Ouais, carnaval dans ce sens-là, d'accumulation, de profusion, De côté foutraque, ouais. Peut-être. Oui, ouais, c'est vrai qu'en carnaval, tu me dis carnaval, je pense tout de suite aux images qu'on a de représentants du carnaval, de représentation du carnaval. Donc du coup, c'est dense. Là, ouais, vois, là, le faire carnaval, c'est comment toi, tu t'empares de cette idée de carnaval pour faire quelque chose, voilà, qui dépasse ce que tu fais d'habitude, quoi. Et qui est un peu hors norme par rapport aussi à ce que tu as l'habitude de faire. Aussi, la question de la fête, tu vois. De la démesure. Ouais, comme je suis pas là-dedans quand je crée, après. Non, mais c'est super ce que tu as dit sur la multiplicité. Ah oui, carrément. Ouais. Ouais. C'est ça, les couleurs. Moi, oui, effectivement, là, du coup, on voit une pluie de confettis de toutes les couleurs qui pourraient tomber, tu vois. Et parce que quand tu dis carnaval, je pense tout de suite à l'artiste Ensor. Et c'est. Ouais, c'est, je sais plus son prénom. James Ensor. Mmh. Ouais. Ah, oui. Et c'est ces peintures de carnaval qui sont incroyables. Mmh. Enfin, je les adore. Mais. Que j'ai jamais vu en vrai, mais en France. Non plus. Ouais. Alors, tu sais qu'on a des petites musiques de côté. Si tu as envie d'en choisir alors, une. Évidemment, à chaque invité, il y aura moins en moins de choix. Oui, c'est fait, ça. Parce qu'on n'en avait que trois, en fait. Et du coup. Si je connais. Entre deux. Oh, en fait, il s'agit de deux reprises. Voilà, il y a une reprise d'Adlida de la chanson Il venait d'avoir 18 ans par les L. Ok. Et une autre de NTM, ma Benz, par les Brigitte. Ah oui, je veux bien la deuxième, ça. Je connais pas, mais ça me dit bien. Parce que... Par les Brigitte, la Benz. Allez, ouais. Et ben c'est parti. Et puis merci, puis on reviendra à la fin, en fin d'émission pour un petit jeu, le jeu de la choucroute saucisse. On vous explique ça tout à l'heure. Ok. Laisse-moi sous une scène. Laisse-moi sous une scène. Laisse-moi sous une scène dans ta Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue. Laisse-moi sous une scène dans ta Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue. Girl, t'es sexy, viens voir Co-City. Original ragaman dans la ville de Paris. Girl, t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est one bouge, carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls move. Move up, rough comme une louve. Bouge ton corps de la tête aux pieds. Et là je t'approuve, c'est move up, girl, run ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. One comme une vipère, si t'as le savoir-faire, t'inquiète pas, y'a pas de galère. Je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta benz benz benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ting ting ting. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta benz benz benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding ding ding. Ouais, vas-y, tu explique-leur. Ça se passe à l'arrière d'une Merco. Benz benz benz, ouais. Du côté de Saint-Denis, baby, je te garantis qu'il y a des dingues de dingues. T'es ma mire, je suis la flèche que ton entrejambe attire. Amour de Lufia, on vivra en nos troupes, toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on en quille. Je veux du freestyle, je veux que tu réveilles, que tu stimules mon côté bestial. Pompe, baby, monte sur mon scène, sein du funk. Je te la ferai façon, je t'en. Putain, y'a que ça qui me rend junk. À ton contact, je deviens liquide. C'est comme un trou intemporel. Bouge ton corps de femelle. Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, baby, ouais. Ok, ça roule, je deviens insaisissable à ton contact. L'air est humide, c'est comme une étincelle dans ton regard avide. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta benz benz benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta benz benz benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta benz benz benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta benz benz benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding ding ding. J'arrête tout, je vais écouter les baladeuses sur Radio Dio 89.5. Et retour avec les baladeuses, on a repris le chemin. On va aller du côté de la mer. Tiens, pourquoi pas. Non mais je mets des ambiances comme ça qui n'ont rien à voir. Je vais vous donner la parole. Voilà, j'attends que tout le monde soit bien installé dans le studio parce qu'on a... Non, mais attends, Juliette, t'es pas... Voilà, j'attends que tout le monde ait son micro, son casque, etc. Voilà, je vais vous... Voilà, attendez, allez. On s'énerve pas. Voilà. C'est parti. Voilà, plus une place de libre. Hein. Tous les micros sont occupés, alors, tous les casques. Tous les micros. Alors là, on y est toutes, tous. Voilà, donc Benoît vient d'arriver. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, ce n'est pas encore ton tour. D'accord, voilà. je vais être très sage. Voilà. Tu peux parler quand même quand tu as envie. Oui, ah bon, voilà, bon, pareil pour super. Béatrice hein, qui est là. Ça va Béatrice? Oui. Oui, ça va toujours. Oui, toujours. Tu peux rapprocher le micro vers toi hein, non, si mais tu veux. Si vous voulez, vous me réinviterez un jour où je ne vais pas bien. Je vous appelle. Bah, un artiste, normalement, ça va pas bien. Donc ouais, c'est... Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je disais non, artiste, non, ça doit pas être mon truc. Je sais pas. Et on a Gilliane aussi qui est là, toujours. Si tu veux bien nous faire un petit coucou, parce que là, on reprend. Voilà, coucou. Non, mais au micro. Non, pas le casque, moi. D'accord. Donc tu m'entends pas. Ok. Mais ça va, j'entends mieux. Et on a Didier. Oui, Didier Ominal, Didou, dit Monsieur Bidon, le grand retour du grand chanteur stéphanois. C'est bizarre, c'est super ça votre réaction. Après Madame Cruche, tout au début, sens... on a Monsieur Bidon. Ouais, voilà, Madame Cruche, Monsieur ouais. Bidon, hein, on est quand même bien, on est bien, hein, ouais. On est bien entouré. Hein. Alors. Eh ben, bonjour. Bonjour, comment bonjour, tu vas Didier. Comment tu vas, Didier? Eh ben, moi aussi, je vais bien, ouais, du coup, je... Oui, alors, bon, je sais pas, ça m'a mis vachement à l'aise, oui, bah, ta petite présentation. Bien. J'espère bien. Mais, non, oui, oui. Non, effectivement, mais c'est parce que, Monsieur Bidon, c'est toi. Enfin... Je m'étais dit que j'allais arrêter à écrire des chansons, et en fait, je continue. Voilà, oui, tu peux pas t'en empêcher, en ouais. fait. Mmh. Ouais, voilà. C'est vraiment un tic, enfin un truc. Ouais. Un toc. Un toc. Un tic-toc. Un toc-toc. Ouais. Un tic ou une tactique Alors peut-être que c'est une tactique ouais, pour. J'en sais rien. C'est pour. Ouais, pour sur. Ouais. C'est la partie psy de l'émission. Ah non, elle n'a pas commencé. Ah non, elle n'a pas commencé encore. D'accord. Non, juste d'où tu viens. Enfin, moi, je dis Monsieur Bidon, le retour, etc. Mais peut-être, voilà, nous sommes en 2025. Peut-être que, en fait, le temps a passé. Ouais. Je suis venu à Saint-Étienne il y a déjà maintenant plus de 30 ans. Et puis, j'en suis parti, mais en fait, on revient à Saint-Étienne. Voilà. C'est un peu une glue, Saint-Étienne. Hein, ben, ouais. C'est marrant, on est attaché à cette ville. Enfin, c'est marrant, ouais. J'avais écrit tout un texte quand je suis revenu il y a 2 ans, parce que je suis attaché à des gens, à des souvenirs, à plein de choses qui se passent dans cette ville. Et puis elle évolue, j'allais dire dans le bon sens, ça dépend sur certaines, dans quel secteur on se place, mais il y a plein de choses chouettes. Ouais. Oui, à Saint-Étienne, c'est vrai qu'on peut, il y a des opportunités d'ouvrir des voies nouvelles, intéressantes, etc. Je sais que, je te dis Monsieur Bidon, mais pas que. Parce que je sais aussi que tu es peut-être à l'amicale laïque aussi. Tu as peut-être été dans les voies de la ville là, que tu ouvres. Il y a eu. Alors, je ne sais pas, je ne t'ai pas demandé. Est-ce que tu y es toujours? Ouais, mais en fait, c'est un peu en stand-by ce truc. Alors, c'est quoi ce truc exactement? Parce que là, on en parle comme ça, mais c'était, oui. L'idée, c'était quoi? En fait, il y a un an et demi, à peu près, il y a l'amicale laïque de Beaubrun qui a fermé, qui a déposé le bilan. Il y a eu une envie de recréer tout de suite en fait une autre amicale laïque. Il se trouve que après, moi, je suis un petit peu mal à l'aise avec certaines personnes qui veulent, un peu imposer le fait que on recrée une amicale laïque, on reprend les locaux et tout ça. Mais en fait, moi, je veux que ça soit quelque chose qui soit créé avec les habitants. Et en fait, il y a finalement dans le petit groupe de personnes, des gens qui sont attachés au quartier, mais qui l'habitent pas forcément. Et recréer une amicale avec vraiment l'énergie des habitants et des habitantes, quoi. Faudrait donc après un vaste programme, quoi, parce qu'il faut, j'imagine, il faut mobiliser l'énergie des gens, quoi. Et mais bon, est-ce que la musique, ça pourrait être un bon moyen de mobiliser les énergies? En plus, moi, je trouve que c'est un quartier vraiment avec un métissage hyper riche culturellement. Donc je pense que la musique, comme plein d'autres arts, ça permet de partager ce métissage culturel. Et toi, comme Sophia disait, c'est le retour de Monsieur Bidon. Ça veut dire quoi pour toi, en fait? Je m'étais dit que oui. Comment dire, ouais, c'était C'est le retour à synthé ou c'est le retour voilà, musical quoi, je crois que c'est clair. Faut dire que c'est... Monsieur Bidon, c'était quand même non, une mais, sacrée aventure je... aussi, quand même. Ouais, en fait, dans mon parcours professionnel, depuis 6 ans, en gros, je suis libraire et je cherchais du boulot là-dedans. Je m'étais dit, j'arrête la précarité, tout ça. En fait, non, ça te lâche pas. En fait, c'est vraiment le petit scotch là du capitaine Haddock là. Ouais. Et en fait, je me suis dit, oui, mais en fait, j'étais un peu mal à l'aise sur le fait de me relancer dans un travail artistique avec cette incertitude, cette précarité, tout ça. Mais en fait, ça me va bien. Enfin, je crois. Oui, finalement, dans un monde... Autant chanter le naufrage, en fait. Hein, quelque part, oui, oui. Dans un monde qui s'effondre de partout. allons-y, quoi. C'est les bronzes, quoi. Et t'as prévu peut-être une petite chanson, là, je vois que t'as sorti ta guitare. Oui, alors, du coup, donc il y a toujours de l'inspiration pour un public adulte, mais aussi j'ai pas mal d'inspiration pour un spectacle pour enfants que j'aimerais réaliser, et donc avec des chansons pour enfants. En ce moment, j'écris des chansons pour enfants. Et donc là, ça va très bien. Et c'est un peu carnaval dans ma tête, du coup, pour répondre à la question tout à l'heure. C'est bien. En parlant de questions, attention, toi, le tour, vas-y. Allez, c'est parti. Si on faisait un grand ménage à l'Élysée, quelle vieille croûte de fromage irait au compost en premier? Oula. C'est-à-dire que ça pue un peu à l'Élysée. Non, mais je crois que j'ai vraiment tiré la bonne question. C'est marrant parce que en fait, quand j'ai commencé à écrire, en fait, il y avait vraiment un besoin aussi de. En fait, je réponds carrément autre chose. Quand j'ai écrit, c'est que t'es prêt pour l'Élysée. Il y avait vraiment un besoin de clarifier des choses, de poser des idées très anarchistes. Ça évolue certaines choses. Après, moi, je pense que j'ai toujours des idées libertaires très prononcées que j'exprime peut-être moins en chanson, ou différemment. Et tu veux peut-être nous faire un petit échantillon? Ça marche. Si. Juliette, peut-être tu peux passer ton micro pour la guitare. Ça va, on monte ton... Non, c'est super en fait, on t'entend super bien, ouais. Non, mais il n'y a pas besoin de ton micro, Juliette, du coup. Donc c'est une petite chanson pour enfants qui s'appelle « Deux escargots ». Deux escargots au mois d'août prennent le chemin des écoliers. Me croiras-tu si j'ajoute que leurs coquilles sont bronzées? Ils reviennent de la plage, mais les vacances sont finies. Il va falloir être sage et être présent dès lundi. Long semble le parcours pour nos deux gastéropodes. Mais il faut aller en cours. Que veux-tu, c'est la période. Deux escargots en octobre prennent le chemin des écoliers. Ils parcourent les vignobles. Les vendanges sont terminées. Ils croisent un petit écureuil qui dit la bouche pleine de noisettes. Je vais aux obsèques d'une feuille J'ai eu l'info d'un poète. Long, long semble le chemin pour nos deux petits randonneurs. Mais c'est promis dès demain, ils passent la vitesse supérieure. Deux escargots en janvier prennent la route de l'école. Ce matin il a neigé, des flocons en cabriole. Ils croisent un tout petit loir qui, les yeux encore fermés, leur dit un bonjour, bonsoir et retourne se coucher. Longue, longue est la balade pour nos deux aventuriers, mais ils rêvent ensemble de salade pour à deux se motiver. Deux escargots en avril prennent le chemin des écoliers. Sous la pluie ils se faufilent et la boue les fait glisser. Ils croisent une jeune hirondelle qui nous revient de l'Afrique. Elle est encore en sarouel. Dans les airs c'est plus pratique, loin de l'adresse finale. Mais c'est déjà les vacances, ils veulent revoir les cigales qui chantent si bien en Provence. Long, long semble le parcours, oui mais c'est déjà l'été. Il faut faire demi-tour, l'année est si vite. Voilà. Merci. Voilà. Je sais pas si on t'entend. On m'entend pas. J'ai l'impression. Je sais pas. On m'entend ? Oui, on m'entend. Ouais. Je disais donc c'était le grand retour de Monsieur Bidon en studio, au studio de Radio Dio. Est-ce que, en fait, finalement, c'est les escargots qui ont tout compris, quoi ? Ils ont leur maison sur le dos, ils font leur petite vie. Ouais. Ce côté un peu manouche, ouais, ça, ça me va bien. Ouais. Là, une grande passion pour les escargots, ouais. Et puis, voilà, ouais. En tout cas, à travers ces chansons aussi pour enfants, de retrouver aussi cet esprit... innocents des enfants, enfin voilà, qui sont vachement observateurs, de la nature entre autres, mais ouais, ça me plaît bien, ouais. On en a grand besoin, je pense aussi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, le mot de la fin? Bisous. Ça c'est un super mot. Le mot de la fin, comment ça, le mot de la fin, c'est pas fini. C'est la, hein, c'est la transition. Tu restes sur la sellette, tout le monde va rester sur la sellette là. Hein. Ouais. Non, attendez, on va juste essayer de joindre. On va passer. Alors, vas-y, Juliette, dis. Oui, on n'a pas tout à fait fini avec nos invités, puisqu'on a aussi Benoît Cancoin qui est avec nous dans le studio. Coucou, bonjour tout le monde. Ça fait une très belle transition, ces escargots, parce que Benoît va nous parler d'un projet qui s'appelle Ralentir. Ah, c'est vrai. C'est pas mal, ça. Et tout est calculé, hein, quand même. Ouais, attention. Hein. Alors, peut-être, Benoît, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc, moi, Benoît Cancoin, je suis contrebassiste. Alors, moi, je suis à Saint-Étienne depuis 7 ans. Ok. Et j'aime beaucoup cette ville, je m'y plais beaucoup. Mais Ralentir, à vrai dire, je ne sais plus si c'est né avant que je sois à Saint-Étienne ou pas. En tous les cas, c'est une collaboration avec deux autres artistes. Marc, qu'on entendra peut-être tout à l'heure, Marc Perrin, qui est écrivain, et Xavier Saïki, qui est guitariste et faiseur de son, on va dire. Alors, on m'a dit que je disais tout le temps comment, donc j'ai essayé de faire attention. Avec ces deux artistes, moi, j'ai beaucoup travaillé avec chacun d'eux pendant très longtemps, à peu près 10 ans avec chacun d'eux. Donc en duo musique avec Xavier et en performance lecture et son avec Marc. Et à un moment, on a recommencé, on s'était un peu perdu avec Xavier, puis on a recommencé à travailler ensemble. Et on avait envie, en plus de nos instruments, d'amener de ce qu'on appelle le field recording, d'amener des sons qu'on amène de l'extérieur, des enregistrements qu'on fait souvent de nature, mais pas que, et de les amener dans notre musique. Et puis on s'est dit, mais si en plus on amenait des mots. Et là, Xavier et Marc se connaissaient aussi. Et donc là, on s'est dit, si on amène des mots, c'est Marc. Et donc on s'est retrouvés tous les trois, on a travaillé un petit peu ensemble. Et puis il y a ce mot, ralentir, qui s'est retrouvé un moment sur la table. On ne savait pas bien quoi en faire. Donc on s'est dit, tiens, ben, si on ne sait pas quoi en faire, on peut le remettre dans le titre. Comme ça, au moins, voilà. Et donc on s'appelle « Et ralentir ». Et donc c'est sur les écrits de Marc qu'on met en son, en musique, en son, avec Xavier et moi. Et peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas encore croisé à Saint-Étienne, parce qu'on peut te croiser à plein d'endroits, tu nous diras tout à l'heure, tu peux peut-être nous expliquer, enfin moi ça m'avait beaucoup touché, la particularité de ta contrebasse, parce que Benoît est un contrebassiste qui se déplace. Ouais. Comment j'ai énormément travaillé avec la danse. Et en étant avec la danse, je pouvais pas me mettre musicien sur le côté et puis et pendant que tout le monde bougeait, donc il a fallu que je trouve des moyens de bouger aussi avec ma contrebasse. Donc évidemment, on peut pas tout jouer en bougeant avec la contrebasse parce qu'il y a quand même un moment où faut. Mais voilà, on peut trouver des petits moyens de bouger, et chose que j'ai beaucoup fait. Avec toi, quelquefois, beaucoup avec Efiak Burek de la FAPCA, et puis aussi avec pas mal d'autres gens, mais je pense à Laure Terrier, par exemple, de Bordeaux. Voilà. Ok, alors, qui n'a pas tiré de petit papier? Moi, je vais tirer une petite question, puis j'invite peut-être quelqu'un d'autre à tirer une question pour Benoît. Alors, faites-vous le jardin? Ah oui, on se vous voit dans Radio Dio, là, c'est le côté, c'est le moment snob, c'est la question. Faites-vous le jardin? Avez-vous déjà fait le jardin? Ferez-vous le jardin? Et du coup, si oui, qu'est-ce qu'on y plante? Alors avant d'être à Saint-Étienne, j'habitais dans une maison avec un jardin. Et donc je faisais effectivement le jardin, les fleurs, mais aussi le potager. Donc ouais, j'aimais beaucoup faire les patates, faire... qu'est-ce que j'ai fait, les courges, enfin tout ce qu'on fait assez facilement, hein, parce que je ne suis pas non plus un très très grand jardinier. mais voilà, non, c'était un grand bonheur. Super transition avec les escargots, ralentir le jardin, voilà, je suis bien dans le thème. On va en profiter peut-être pour écouter un petit bout d'une des performances que vous avez faites de ralentir. Oui, parce que c'est vrai que ralentir, on a des choses... On s'est amusé pendant le Covid, on s'est amusé à faire ce qu'on appelait des petites virgules et qui sont accessibles sur notre site et internet WordPress, je crois, je sais même plus. Alors, peut-être juste tu donnes le site pour que les auditeurs aillent voir, non? Ou après? On va le donner après parce on que je ne me souviens plus du... C'est parti. Alors on va écouter... je ne sais pas, est-ce qu'on écoute d'abord la performance ou on se fait une dernière petite question quand même pour la route? Allez. Alors, Gillian a une question. Ah. Votre plus belle relecture? Relecture. Eh bien, on a perdu Monsieur Pitou. Ouais, je suis un peu malade. Alors, bien sûr, on a le droit de s'amuser avec la question, hein, et de ne pas y répondre directement. Ouais, comment... Moi, j'aime bien la relecture de la vie, quoi. Refaire des choses, y revenir, repartir, comment refaire la lecture de l'écriture, par exemple, ça peut être très intéressant. Moi, je suis un peu comme Monsieur Bidon, il y a pas mal de fois où je me suis dit, bon, j'arrête ça, et puis finalement, non, je continue. Moi, je me permets, parce que du coup, je relis un bouquin là, en ce moment, Le Père Goriot de Balzac. Et en fait, je, C'est génial de relire sans forcément sans être à l'école et donc du coup être contraint de relire ça. Et vraiment pour moi, je pense que Balzac, il a tout compris. Enfin, voilà, au niveau des complexités humaines et sociales, et c'est génial. Ce sera donc la recommandation de Monsieur Bidon pour l'été. Filez chez votre libraire indépendant. Achetez le Père Goriot. Moi, je l'ai pris à la médiathèque. Hein, donc, ah, voilà, encore mieux, à la médiathèque. Et donc, du coup, on écoute tout de suite un extrait de Ralentir. Voilà. C'est un extrait qui est assez court, de 3 minutes 26. Donc, on va attendre les trois protagonistes, à savoir Benoît, Marc Perrin, qui est l'auteur des textes, et un autre musicien qui s'appelle Xavier Saïki. Avril 18. On est dans la voiture et tu veux me montrer le barrage là, sur la gauche de la route, dans la vallée. On s'arrête. Je ne sais plus de quoi on parle précisément à ce moment-là, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il est à nouveau question de sororité. Sororité, on se dit que toi et moi, peut-être, on a besoin de quelque chose comme ça, quelque chose qui ne soit pas une relation femme et mari, mais frère et sœur, et puis non, non, même pas ça, non. Une relation frère et sœur, non. Nous, on aurait peut-être besoin d'une relation de sœur. On se dit que pour toi et moi, c'est peut-être par là qu'un lien d'amour libre des aliénations sociales et maritales et tutti quanti a sa chance. Sortant de la voiture, je vois au sol une carte à jouer. Je me baisse pour la saisir. C'est un joker. Je le garde précieusement depuis. Pour ne pas oublier. Avril 19. Ça fait un moment que j'ai perdu le joker. Avril 20. Un matin, je vais m'asseoir au soleil sur le perron de la porte devant la maison, thé noir dans une tasse blanche, thé noir dans un thermos rouge, grande tristesse partout dans le corps qui envahit tout, qui empêche tout. Non, jamais tout, tout à fait. Ouais, parce qu'il n'a pas raccroché. Allô, allô, allô, allô. Je dis allô, allô parce que voilà, le morceau est fini. Merci. Je l'ai coupé. Coupé ton morceau. Non, parce que là, on n'a plus de retour. J'explique, on est en train d'essayer d'appeler quelqu'un au téléphone, donc Marc Perrin, devrait, voilà. Donc là, on l'a eu au téléphone, mais il y a eu un problème, ça a raccroché, et là on le rappelle, mais 76. Ça sonne occupé, donc je pense qu'il n'a pas raccroché, donc on va essayer de le rappeler tout de suite, là, le coup d'envoi et puis, tu vas nous parler peut-être, qui c'est ce Marc Perrin? Alors ce Marc Perrin, on l'entend un peu derrière, là, je ne sais pas si c'est... Alors ce Marc Perrin... On est dans la voiture. Oui, on l'entend. Moi, je l'entends dans le casque. C'est l'omniprésence de Marc. C'est parce que c'est parce que le morceau a bouclé en fait. A bouclé, d'accord. Donc il repartait. C'est pour ça. C'est voilà. Non, Marc, voilà. C'est un. On a toujours nos petits inconvénients techniques dans l'émission. Oui, mais toujours, c'est bien, c'est bien. Pardon. Comment donc faut pas que je dise comment. Et donc, Marc, on s'est rencontrés à Nantes, parce qu'il a été nantais pendant un long moment. Et je sais plus, ça fait longtemps, une vingtaine d'années, je pense. Et c'est quelqu'un dont j'ai tout de suite beaucoup aimé l'écriture et beaucoup aimé aussi sa présence sur scène, sa façon de dire ses textes. Allô, allô. Oui. Ah, allô. Ça y est, Marc. Marc est là. Ah, t'arrives bien, je suis juste en train de faire tes éloges. Ouais, j'ai entendu la fin, c'est super. Bonjour tout le monde. Et bienvenue à toi. Bonjour. Alors, bonjour. Du coup, là, tout le monde t'entend et normalement, ouais. Tu peux entendre tout le monde. Je crois que tout le monde peut essayer de dire bonjour à Marc, même si on ne connaît pas Marc. Bonjour Marc. Bonjour Marc. J'entendais voir, en effet. Bonjour tout le monde. Donc Marc, là on va, du coup je t'ai coupé. Ouais, je dis juste un petit truc technique, c'est qu'on a beaucoup de son dans le casque, mais voilà. Ah ça, oui, c'est, d'accord, ok, voilà. Je vais en baisser quelques-uns. Ouais. Et oui, donc voilà, on s'était rencontrés avec Marc alors qu'on était en tournée en duo avec Xavier, hein, c'est pas mal. Et donc Marc était venu nous voir et on a discuté après le concert et... On s'était dit avec Marc qu'on essaierait de se revoir quelque part et ça a fini par arriver, je ne sais plus exactement comment... À Saint-Priest avec Ghislaine. Avec Ghislaine, c'est ça. Une amie metteur en scène de théâtre. Voilà. Et à partir de là, on a commencé à travailler tous les deux avec Marc. Et ça a été une longue... on s'arrangeait pour se retrouver une fois par an. Donc, si on trouvait des concerts bien payés, ben, c'était génial. Et puis, si on ne trouvait pas des concerts bien payés, ben, on s'inventait des concerts chez des copains. On se faisait une petite tournée, voilà, comme ça. Mais ça nous a permis de rester en lien ben, tout ce temps-là. Et puis, donc, comme je racontais tout à l'heure, les retrouvailles avec Xavier, l'envie de refaire quelque chose ensemble avec des sons d'ordinateur et l'envie de rajouter des mots. Et là, Marc est revenu physiquement dans le duo qui est par la même devenu un trio. Est-ce que Marc, tu veux dire quelques mots sur le projet Ralentir ? J'écoutais tout à l'heure, donc je pense que Benoît l'a bien présenté. Non, j'ai rien de plus à en dire. Et peut-être nous dire aussi, jouer le jeu comme les autres invités, qui es-tu ? Où es-tu ? D'où nous appelles-tu ? Je suis Marc Perrin, c'est mon nom. Et là, je vis depuis 3 ans en Haute-Loire, dans un hameau à l'est du Puy-en-Velay. Et puis, sinon, je suis écrivain et depuis peu éditeur, co-éditeur avec ma compagne. On a créé une structure éditoriale. Donc voilà, je travaille avec l'écriture. Donc j'anime des ateliers d'écriture, j'écris, je lis seul ou en compagnie des camarades Benoît ou Benoît et Xavier et d'autres. Et puis j'ai publié j'ai coordonné des revues de poésie et des revues de poésie et politique. Et là, du coup, avec Anne, ma compagne, on a lancé une structure éditoriale pour laquelle un livre est sorti au mois de janvier. Voilà. Donc ça fera sûrement l'objet de notre rentrée des baladeuses. Avec grand plaisir. Autour de culture au pluriel, puisque juste quelques mots sur ce livre, donc peut-être les éditions, on va quand même dire leur petit nom, elle s'appelle Sahu Sahu. C'est ça. Et donc ce premier livre, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre écrit par une camarade éleveuse de brebis, qui est une ancienne géographe, qui a cessé ses activités de géographe pour s'installer en tant qu'éleveuse. Et voilà, elle souhaitait écrire sur son parcours et son activité, donc on l'a accueillie chez nous avec Anne, qui est également un lieu dédié à la recherche et à l'écriture, aux écritures en tout genre. Et voilà, donc on a accompagné Elsa dans son écriture et voilà, on a trouvé le texte vraiment très très très très bien et on a souhaité le publier et on l'a publié. Et là, il est... Et après, on l'a diffusé. Donc là, on est en train de finir la diffusion. Donc le livre est pour l'instant, entre autres à Saint-Étienne, dans environ 200 librairies en France. Et vous pouvez le trouver à Saint-Étienne. Et le livre s'appelle Élevé. Très, très belle aussi recommandation de lecture pour l'été. Élevé et le Père Goriot dans votre sac à dos. Allez. Ah, oui, parce que bon programme. J'ai lu aussi Élevé et voilà, c'est un super texte. Voilà. Déjà, rien que l'objet, je trouve qu'il est vraiment très beau. Voilà, et le texte, enfin voilà, tous les questionnements qu'a Elsa en fait sur son métier d'éleveuse de brebis est vraiment super, super pertinent et super intéressant. Merci. Ouais, ouais. Et pour citer la quatrième personne que tu as évoquée, c'est la personne qui est responsable de la beauté de l'objet, c'est Morgane Masse, qui est du coup une graphiste et qui est basée également en Haute-Loire. Et voilà. Super. Pour revenir juste à la performance ralentir, on peut trouver en fait des extraits de cette perf, donc environ une dizaine d'extraits, sur le SoundCloud en mettant IET ralentir en fait. Ouais. Et on arrive sur voilà, cette dizaine de morceaux qu'on peut écouter de manière suivie ou comme ça, un peu de manière aléatoire. Ouais. Il y a le blog et ralentir sur WordPress où il y a à la fois tous les sons de SoundCloud et également d'autres qui sont sur un Bandcamp, je crois, de Xavier. Donc il y a les deux liens. Donc il y en a un peu plus ailleurs. Donc si on va sur le blog et ralentir WordPress.com, on peut tout écouter, ce qui est en ligne en tout cas pour l'instant. Ouais, super. Mais merci beaucoup, Marc. Et puis, comme l'a dit Julie, bientôt à la rentrée. Et tu as vu qu'il y a déjà, t'as déjà des lecteurs en fait. Hein. Mais ouais, bah ouais. Et il y en a plusieurs dans la même salle. Il faut absolument aller acheter ce livre pour soutenir déjà les éditions Sayu. Et parce que c'est, comme tu l'as dit, plus qu'un livre, l'objet est vraiment très beau. Et un bel objet, c'est ouais, vrai. Ouais, ouais. Et puis ce qu'il y a dedans est absolument génial, quoi. Merci. Merci Marc, à bientôt. Là, on va finir. Alors, soit tu restes à l'antenne si tu le souhaites, mais sinon, on peut aussi raccrocher. Ouais. Parce qu'on va finir notre émission, en tout cas avec les invités, autour d'un petit jeu qu'on a appelé Saucisse Choucroute. Donc, si t'es amusé, que t'as envie d'en savoir un c'est peu plus, pour tu vous peux mettre rester en bouche. Ou nous écouter en direct. Avant le repas. Et ensuite, on lancera le cinquième épisode de la fiction radio Je n'en ai pas fini avec la mort. Et on finira par un petit agenda de l'actualité sociale et culturelle de Saint-Étienne. Merci, à plus. Merci, à plus. Et donc, Sophia, en direct, vous explique les règles du jeu de saucisse choucroute. Alors, c'est très simple. Saucisse choucroute, c'est un jeu. Voilà, un jeu un peu débile. Non, on va rigoler. Je pense où tout le monde peut participer. Tu peux couper l'insert téléphone. Insert téléphone, c'est tout à ta gauche. Voilà. Merci. Et donc, on va tirer une saucisse. J'ai des saucisses. Voilà. Sur cette saucisse, il va y avoir une citation, mais en fait, tout le monde peut jouer, hein, même vous, là, qui êtes... tout le monde peut jouer, chez vous, ici. Il n'y a que moi qui connais la réponse. Je ne sais pas qui c'est qui veut tirer une saucisse. Dessus, vous allez lire une citation. Enfin, je vais vous lire une citation où j'ai remplacé certains mots par saucisse et choucroute. Et donc, le but du jeu, c'est d'essayer de retrouver les mots initiaux. Voilà, initial. Qui c'est qui veut... Allez. Hop, tu tires une... Je me lance. Tu regardes pas parce qu'il y a la solution. Du coup, attention. C'est une citation de Thomas Gattabazzi. Voilà. Je connais pas, mais ça doit être un auteur, un écrivain, je pense. Alors, attention. C'est pas ton voisin ? C'est ton voisin, zut alors. Attention. L'absence de succès naît de la saucisse, de la choucroute. L'absence de succès naît de la saucisse, de la choucroute. C'est-à-dire, il y a deux mots, hein, deux machins. Alors, c'est pas toujours genré, mais qu'est-ce que ça pourrait être, ces deux mots ? L'absence de succès naît de... Que deux mots, hein. Naît... Ouais. Ça dépend, c'est un gros con le fameux Thomas ou pas? Mais comme je le connais pas, je peux pas trop te dire, mais c'est possible. Si c'est un gros con, il a dit naît de l'absence de talent, non? Non. De l'absence non. De Rolex, peut-être de l'absence de Rolex, non? Faut monter ton micro, monte ton micro. Il n'est pas monté. Il n'est pas monté. Oui. De l'absence de subvention pour faire écho à des choses qu'on a déjà dit. Ouais. Possible. Non, c'est pas ça. Non. Est-ce que absence, ça serait le premier mot? Non, c'est non. Présence. Ouais, c'est présence le c'est premier. Présence. Oui, à la place de saucisse, donc l'absence naît de la présence de choucroute. L'absence de succès naît de la présence de choucroute. De chocolat, parce que c'est un gâteau au chocolat, le succès. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bravo, oui, c'est... Ouais. L'absence de succès naît de la présence de chocolat. Non, ça ne marche pas. Ah, mince. Non, ça ne marche pas. Présence de choucroute, c'est vrai que le succès, la choucroute, ça glisse. Donc, tu ne peux pas avoir du succès, peut-être, si tu glisses sur la choucroute. Oui, non. Oui, c'est difficile à digérer aussi, comme le succès. Aussi, ouais. Est-ce que... Ça, je ne sais pas. Non, on s'éloigne. On s'éloigne. Mais il ne faut pas se décourager. La présence de courage. Oui. L'absence de succès naît de la présence de découragement, en fait. Ah bah oui, l'inverse. L'inverse. Oui, non, oui. T'avais bien retenu toute la phrase, tu t'es dit ça colle pas. Bon, je sais pas. L'absence de succès naît de la présence de découragement. Mais c'est odieux. C'est odieux, hein. On est d'accord. C'est peut-être un sale con finalement, ce Gabadi. Le Gatabazi. Donc si vous vous êtes découragé, si vous n'avez pas de succès, c'est de votre faute. Hein. C'est parce que vous découragez, voilà. Ouais. Parce que vous n'êtes pas brave. Et voilà, oui, vous ne vous levez pas assez tôt le matin. C'est ça, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Je savais que ça vous ferait réagir quelque part, tout ça. Finalement, vous en voulez une deuxième? On a le temps d'une deuxième, on me dit en régie. Est-ce que ça vous dit une deuxième? Faudrait que tu t'approches plus du micro, Gilliane, quand tu parles, parce que sinon on ne t'entend pas. Est-ce que tu veux tirer? Je n'ai pas de casque, ça y est, je fais de la dyslexie. Je commence à le lire. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Alors, ah oui, je ne dois pas lire. Tiens. Alors, attention. Alors, c'est une. Là, c'est une femme, c'est Eléa Laurine. Alors, franchement, les citations, je les ai prises sur un site de citations. Donc, en fait, il y a des grands inconnus ou des grands connus que je ne connais pas. Donc, voilà. Eléa Laurine, donc, qui écrit: c'est dans le silence des saucisses que l'on saisit la choucroute de vivre. Est-ce qu'on peut aussi laisser la citation telle quelle avec saucisse et choucroute? Parce que moi, je l'aime beaucoup comme ça. Je pense qu'on pourrait la taguer sur un mur de Saint-Étienne, peut-être sur l'hôtel de ville, quelque chose comme ça. C'est dans le silence des saucisses que l'on saisit la choucroute de vivre. C'est vrai que c'est pas mal. Le silence des saucisses, ouais. Est-ce que le deuxième, ça serait la joie? Non. C'est pas tout à fait la joie, non, c'est pas. La force? Pas la force, non. Le désir? Le désir, ça se rapproche, mais c'est pas tout à fait ça. Le plaisir, non. Plaisir, non. L'envie? L'envie, ça a plus de l'ordre de l'envie, oui. Allez-y, hein, faut de l'intelligence collective, là, parce qu'il faut dire des bêtises pour y arriver. La quoi? De l'intelligence. Le courage? Attends, il y a plein de trucs à dire. Le courage, non, c'est pas encore le courage. Non, découragement. Le découragement, non, ça c'était la citation d'avant. C'est, allez, je vais essayer de vous donner. Relis un coup. C'est dans le silence des saucisses que l'on saisit la choucroute de vivre. Je vais vous dire la choucroute, mais je ne suis pas sûr que ça vous aide pour les saucisses. Le bonheur pourtant de vivre. C'est dans le silence des saucisses, donc, que l'on saisit l'urgence de vivre. Dans la cuisson des saucisses. C'est pas dans la cuisson. Non, là, ça vous laisse, pantois. Hein. Il est 11h, là. C'est vrai qu'on parle de saucisses, de choucroute. Après, on peut et d'urgence de vivre, là, on va peut-être. Donc, on peut en fait, lancer le feuilleton et puis on voit pour la solution si les esprits ont fait leur œuvre. Allez, oui, on va faire comme ça. Je vais garder la réponse pour tout, pour après. Voilà, très bien. C'est l'heure du feuilleton. 13e épisode, 5e épisode. Je n'en ai pas fini avec la mort. Genre. Thriller chaque, de l'intime. Blague, sexuelle. Un texte de Juliette Bargès. Cinquième énoncé, épisode. Homme. 23h30. Ça a dû être dur. Je n'aurais pas pensé. Jamais je n'aurais pensé avoir à vivre ça. Est-ce qu'on en sait plus ? Des analyses sont en cours, mais on va savoir dans combien de temps on aura les résultats. Ils ont dit dans 3 semaines environ. Dans 3 semaines ? On n'a rien trouvé près d'elle. Pas de médicaments, rien, ni sur elle. Pas de blessure, rien. Maman est morte de chagrin. Pourquoi tu dis ça ? Elle est morte de ne pas pouvoir dire, de ne rien pouvoir dire. Mais de quoi tu parles ? De n'avoir jamais su dire, de n'avoir pas pu dire à temps. Elle a été avalée par le silence, son silence. Et ça y est, ça la reprend. Les médecins pensent à une rupture d'anévrisme ou un arrêt cardiaque. Mais tant qu'on n'a pas les résultats... On peut tout imaginer. Enfin, presque. Mais personne ne veut dormir dans cette famille. Ouais, pas moyen. Je me demande si elle n'avait pas une maladie grave qu'elle ne soignait pas ou qu'elle ne connaissait pas. On peut mourir comme ça sans que rien ne le présage. On tient à si peu de choses alors. À quelques battements en plus ou en moins, à un caillou en trop. Il va falloir vivre avec son absence. Un jour après l'autre. Le trou que ça fait. J'ai l'impression d'être trouée de l'intérieur. Là, regardez, vous le voyez ? Elle se met debout. Et il grossit d'heure en heure. Demain, je ne sais pas comment il sera. Il aura certainement envahi tout mon corps, si ça se trouve. Elle se rassoit brutalement. Quand je l'ai su, pour maman, je suis tombée par terre. Là où je me trouvais. J'étais en train de faire des courses dans un supermarché. Vous me voyez, là, devant le rayon fromage et yaourt. Eh bien, c'est moi, répandue de tout mon long, la boîte d'œufs éclatée et le jaune qui éclabousse le carrelage blanc de la supérette. Ma main ouverte sur le sol, le téléphone au creux de la paume et les « allô, allô » paniqués de papa. Des personnes m'ont aidé à me relever. J'ai laissé mes courses en plan et je suis sortie comme un zombie dans la rue. Il était 2 heures de l'après-midi. Le soleil était foudroyant de chaleur. Mes yeux avaient de la peine à s'ouvrir devant tant de lumière, comme si j'avais passé des jours dans une cave. J'ai marché plusieurs heures sans trop savoir où aller. C'est une fois arrivé chez moi que j'ai fondu en larmes, brutalement. J'ai trouvé ce poème. On n'est pas sûr de qui l'a écrit, Henry Scott Holland ou Charles Peggy, mais c'est lui que je veux lire. C'est lui qui me parle. On dirait que c'est maman qui me parle à l'oreille. La mort n'est rien. Je suis seulement passée dans la pièce à côté. Je suis moi. Vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées, simplement parce que je suis hors de votre vue ? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez ? Tout est bien. En son fort intérieur. Ma. Maman. Madi. Ma. Belle. Ma. Mienne. En moi. Pour moi. Madi. Madi. Toujours. Jour et nuit. Avec toi. C'est quoi cette histoire de silence ? Quoi ? Ce que tu as dit tout à l'heure pour Maddy. C'est dur à dire. C'est quoi cette histoire de silence dur à dire ? Même toi, tu ne sais pas. Mais quoi ? Qu'est-ce que je ne savais pas ? Qu'est-ce que j'aurais dû savoir ? Encore une chose que ta Pimprenelle ou Catherine ou je ne sais qui t'a chuchoté à l'oreille ? Non, pas Pimprenelle ni Catherine. Joseph, Ombre ou Féroce alors ? Bon, puisque personne n'est couché, hein, autant continuer la soirée. Allez, tiens. Bois ça. Normalement, je ne bois pas. Avec mon traitement, c'est pas possible. Bon, juste une fois. Juste un verre, alors. Hein. Une goutte. Ah, qu'est-ce que c'est fort. Ah, Maddy, c'était... comme un soleil qui cimentait la famille de ses rayons vibrants. Un catalyseur d'émotions. Quand je suis arrivée dans la vie de Léo, elle a été la première à m'accueillir, à me faire une place, à batailler pour que je la garde, cette place, à batailler auprès des parents. Comme cela n'a pas été facile auprès de ces deux bourrins. Je me suis toujours demandé comment deux êtres aussi frustres qu'eux avaient pu engendrer autant de grâce et d'intelligence également réparties chez leur fille. De l'ordre du miracle, non ? Ils m'ont volé mon prénom. Ils m'appelaient Pénélopette, alors. Je ne sais pas ce que je vais dire demain. Mais j'aimerais bien dire quelque chose, moi aussi. Rien moins qu'un poème. Au moins ça, oui, un poème. De Dylan Thomas. Je vais vous en lire un extrait. N'entre pas sans violence dans cette bonne nuit. Le vieil âge devrait brûler et s'emporter à la chute du jour. Rage, en rage contre la mort de la lumière. Les femmes, les hommes bons passés la dernière vague, criant combien clair leurs actes frêles auraient pu danser en une verte baie. Rage, sans rage contre la mort de la lumière. Les femmes, les hommes graves près de mourir, qui voient de vue aveuglante que leurs yeux aveugles pourrait briller comme météore et s'égayer, rage, sans rage contre la mort de la lumière. Et toi, ma sœur, ici, sur la triste élévation, maudit, bénis-moi à présent avec tes larmes violentes, je t'en prie. N'entre pas sans violence dans cette bonne nuit, rage, en rage contre la mort de la lumière. Quel texte peiné. J'en ai la chair de poule. Et encore, je ne l'ai pas lu en entier. Tu les as connus, les parents ? Oui, les deux. La mère, moins longtemps. Tu connais les Thénardier, toi qui cites Hugo à tout bout de champ ? Eh bien, imagine, derrière les murs clos, un couple qui se déchire du matin au soir ou s'ignore complètement. Pas de demi-mesure. Tout l'un ou tout l'autre. C'est vrai que ça partait en live la plupart du temps. On passait notre temps à se demander à quel moment cela allait vriller. Un mot de travers, un geste, n'importe quoi, tout était bon pour lancer l'armada. On se tenait prête à foutre le camp dardard pour ne pas rester dans leurs pattes et assister au grand déballage. C'était pas toujours facile. On pouvait être happé par le cyclone. Il y avait plusieurs motifs qui revenaient sans cesse, s'entrecroisaient. Avec Maddy, on avait des stratégies pour ne pas se faire happer, pour se cacher, pour se protéger. Notre force, c'est qu'on était deux. Elle venait chez moi quand ça bardait. Elle venait se planquer en quelque sorte. Et voilà, nous sommes au complet pour une insomnie partie. Première du genre. On disait pas qu'elle venait se planquer, mais ça revenait à ça. On disait, Léo et Maddy peuvent rester ce soir dormir à la maison ? On ne s'étalait pas. On faisait comme si. Une fois, elles m'ont raconté. Une seule fois. Je me rappelle du chemin qu'elles prenaient. Elles avaient quoi ? 7, 8 ans ? Je les vois toutes les deux se donner la main en marchant le long de la grande route. Avant qu'elle ne se décide à partir comme ça, il y avait dû en avoir des cris, des sanglots, des coups, des meubles jetés par terre, la vaisselle cassée, des insultes. On avait plutôt 9-10 ans, non ? Ah ouais ? Peut-être. C'est juste après que l'on se soit installé dans cette maison. Je rentrais en cours moyen avec Madame Langin. T'as raison. Madame Langin, c'est vrai. Quelle enfance atroce. Il y a des couples qui devraient se séparer plutôt que vivre l'enfer. Et faire vivre l'enfer à leurs enfants. La famille de Jessie, c'était notre refuge. Notre deuxième famille, en quelque sorte. Et Jessie Sister. Ce que tu vis, tu crois que c'est la normalité. C'est quand tu vois qu'ailleurs ça se passe différemment que tu comprends que ce que tu vis est aberrant. Qu'ailleurs, il y a de l'affection, de la confiance, que tu ne les trouveras jamais auprès de tes parents, qu'il va falloir que tu ailles les chercher ailleurs. Cela prend du temps. Mais ça laisse des séquelles. Il y a celles qui se voient et celles qui ne se voient pas. Maddy avait ses moments, mais on faisait avec. Moi aussi, j'avais les miens, de passage à vide. Même moi, je me détestais. C'est peut-être ça le problème, d'ailleurs. Papa, il faut toujours que tu ramènes tout à toi. On ne parle pas de toi, mais de Maddy. On ne les voyait pas toujours, ces moments, comme tu dis. C'est vrai. Et je croyais qu'avec le temps, les occupations, ils disparaîtraient. On aurait peut-être dû, si on avait su. Mais chacun a toujours fort à faire avec soi, déjà. Moi, j'essaie de m'accrocher un peu tout le temps, depuis toujours, alors... J'ai de l'entraînement. Si je ne suis pas enfermée dans une institution, c'est bien grâce à elle. Maddy m'a beaucoup accompagnée. Certainement en se négligeant elle-même. Cinquième épisode. De Je n'en ai pas fini avec la mort, thriller de l'intime de Juliette Bargès, enregistré le 15 décembre 2024 au Choc Théâtre à Saint-Étienne par Mohan Besson avec Alain Besset dans le rôle de JP, Dominique Chenet dans le rôle de Jessie, Sabrina Laure dans le rôle de Léo, Juliette Bargès dans le rôle de Péné, Yann Mercier dans le rôle d'Armand, Maude Thérillon dans le rôle de Rosette, Émilie Weiss dans le rôle de Maddy. Didascali, Juliette Bargès. Mixage, Mohan Besson et Juliette Bargès. Musique, Mumbling Tom. Extrait du morceau Wave Goodbye. Alors, il est temps de se quitter un petit peu en retard aujourd'hui, mais on avait des invités super. C'est les aléas du direct. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont trop bavards, nos invités. On va se faire juste un petit point agenda parce qu'il y a plein de choses super à faire à Saint-Étienne. Alors, attends, on avait fait une super virgule de l'agenda. Est-ce que je la retrouve vite? Non, ah, je ne l'ai pas. Ah, oh, ça sera pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, voilà. Allez, tant pis. Donc, les 6, 7 et 8 juin, l'association BDS en soutien à la Palestine organise 3 jours. De festivités, rencontres, il y a 1 milliard de trucs. Vous retrouvez le programme qui est magnifique en ligne et puis dans tous les endroits adéquats à Saint-Étienne. Il y aura notamment des temps au Méliès. Enfin, voilà. Et le thème de ces 3 journées, c'est raconter, résister, décoloniser. Je vous invite à y aller. Il y aura aussi plein d'ateliers. Voilà, 6, 7 et 8 juin avec BDS. La deuxième chose que je vous propose, c'est un temps de pratique de corps-branche, donc comment les corps humains s'hybrident à des corps plus qu'humains, en l'occurrence des branches. Ce sera des temps de pratique dans la ville avec des branches. Bon, ça c'est... Je me fais de l'autopub. Mais je vous invite à venir, ça va se passer au magasin qui est en super lieu à Saint-Étienne les 5 juin, 26 juin et 3 juillet. Il c'est quoi l'adresse du magasin? C'est rue Honoré de Balzac. Honoré de Balzac. Il reste des places. Il reste encore des places, inscrivez-vous. On peut arriver au dernier moment. On peut arriver au dernier moment chez toi. C'est mieux de s'inscrire quand même. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Il y a une histoire de nombre de branches aussi qu'il faut anticiper. D'accord. Donc venez avec votre plus belle branche. Et Juliette, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi, j'ai une vieille branche, je ne sais pas si ça ferait l'affaire. Si. Pourquoi pas. Alors, au Verseau, le 4 et 5 juin, donc un peu avant toutes les dates qu'a annoncées Julie, on a un spectacle de la compagnie Oxalis qui s'appelle « Comme tu me vois » autour de la grossophobie, à partir d'un livre qui s'appelle « Récit d'une grossophobie ordinaire » de Grégory Miège. Voilà, donc à 20h au Verso et au Choc Théâtre, on aura le 12 juin, donc qui est jeudi à 20h, Und Kabarecht, autour de l'œuvre de Brecht, mais par des clowns. Voilà, et il y aura une scène ouverte également au Choc le 20 juin, et ensuite l'Estanco dont ça, nous a parlé. Les soirées, c'est à 20h au Choc. Oui, hein, Choc et Verso, bien sûr, c'est à 20h. C'est à 20h, voilà. Alors que l'escale festive qui aura lieu le 27 juin à 19h30, cette fois, à l'Estanco dont nous a parlé Béatrice Moulin tout à l'heure, il y aura... Donc, l'adresse de l'Estanco, c'est... C'est 22 rue Henri Dunant, puisqu'on a dit que c'était dans les locaux de la c'est radio. C'est le 10. Et de l'école 10, de Beaulieu, quoi. Le 10. En dessous de l'école de Beaulieu. En dessous de l'école de Beaulieu. Quoi, le 10, 10, quoi ? Le 10, c'est le 10 rue Henri Dunant. 20... Voilà. Ah bon, c'est 10 ? Ah, ouais, c'est pardon, 10. 10, c'est pas 22 alors. Non. Ok, la radio est au 22. Au 22, mais voilà, là c'est le 10. Au 22. Et alors cette escale festive, c'est quoi ? C'est amener un truc à boire et aussi préparer quelque chose à jouer ou à dire. Voilà, donc passer un bon moment. Voilà, bah peut-être ce sera et l'occasion d'y retrouver nos invités. Et enfin, juste une dernière chose, Béatrice Moulin, justement, tout à l'heure, nous a parlé de son activité, mais pas d'un spectacle qui aura lieu au Verso en janvier 2026 et qui s'appelle Monstre et qui est un spectacle jeune public. Et on se retrouve le 25 juin pour notre dernière émission de l'année avant l'été. Et oui. À Radio Dio, autour de danser, la boum, la danse, voilà. La ça danse, sera, voilà, c'est danser maintenant. Exactement. Voilà. Et puis, on va vous laisser avec une petite question qui n'a pas été tirée au sort. Ah oui, vous puis préférez... on n'a pas la réponse. Ah oui, on n'a pas donné la réponse. On n'a pas donné la réponse. Bah, peut-être on laisse les gens gamberger avec ça. Ah. On la donne la prochaine fois ou tu nous la donnes, Sophia, la réponse. Je l'ai. Allez, je la donne, vas-y, allez. Vas-y. Allez, vous en seriez pas douté, mais c'est une très belle citation en fait. Dommage, elle a été un peu abîmée par cette histoire de saucisses et de choucroute. Mais Eléa Lorine, donc, qui nous disait, c'est dans le silence des larmes que l'on saisit l'urgence de vivre. Voilà. Et donc, pour finir, on vous laisse méditer sur cette question. Vous préférez faire la vaisselle avec Virginia Woolf, Gilles Deleuze, Sab Mila ou John Cage. Belle journée à tous. Attention, attention, nous arrivons en gare des baladeuses de 10h à 11h30, le quatrième mercredi du mois sur Radio Dio 89.5. Veuillez prendre garde de ne rien avoir oublié dans le train avant de descendre. Prenez garde à la marche en descendant.